Chapitre 10. Tarif des cabriolets de Régie, 2 francs l'heure. Marius n'avait rien perdu de toute cette scène. Et pourtant, en réalité, il n'en avait rien vu. Ses yeux étaient restés fixés sur la jeune fille. Son cœur l'avait pour ainsi dire saisi et enveloppé tout entière dès son premier pas dans le galetas. Pendant tout le temps qu'elle avait été là, il avait vécu de cette vie de l'extase qui suspend les perceptions matérielles et précipite toute l'âme sur un seul point. Il contemplait, non pas cette fille, mais cette lumière qui avait une pelisse de satin et un chapeau de velours. L'étoile Sirius fut entrée dans la chambre, qu'il n'eût pas été plus ébloui. Tandis que la jeune fille ouvrait le paquet, dépliait les hardes et les couvertures, questionnait la mère malade avec bonté et la petite blessée avec attendrissement, il épiait tous ses mouvements, il tâchait d'écouter ses paroles. Il connaissait ses yeux, son front, sa beauté, sa taille, sa démarche. Il ne connaissait pas le son de sa voix. Il avait cru en saisir quelques mots une fois au Luxembourg, mais il n'en était pas absolument sûr. Il eût donné 10 ans de sa vie pour l'entendre, pour pouvoir emporter dans son âme un peu de cette musique. Mais tout se perdait dans les étalages lamentables et les éclats de trompette de Jondrette. Cela mêlait une vraie colère au ravissement de Marius. Il la couvait des yeux. Il ne pouvait s'imaginer que ce fût vraiment cette créature divine qu'il apercevait au milieu de ces êtres immondes dans ce taudis monstrueux. Il lui semblait voir un colibri parmi des crapauds. Quand elle sortit, il n'eut qu'une pensée, la suivre, s'attacher à sa trace, ne la quitter que sachant où elle demeurait, ne pas la reperdre au moins après l'avoir si miraculeusement retrouvée. Il sauta à bas de la commode et prit son chapeau. Comme il mettait la main au pêne de la serrure et allait sortir, une réflexion l'arrêta. Le corridor était long, l'escalier roide, le Jondrette bavard. Monsieur Leblanc n'était sans doute pas encore remonté en voiture. Si, en se retournant dans le corridor ou dans l'escalier ou sur le seuil, il l'apercevait, lui, Marius, dans cette maison. Évidemment, il s'alarmerait et trouvait moyen de lui échapper de nouveau. Et ce serait encore une fois fini. Que faire? Attendre un peu? Mais pendant cette attente, la voiture pouvait partir? Marius était perplexe. Enfin, il se risqua et sortit de sa chambre. Il n'y avait plus personne dans le corridor. Il courut à l'escalier. Il n'y avait personne dans l'escalier. Il descendit en hâte et il arriva sur le boulevard à temps pour voir un fiacre tourner le coin de la rue du Petit Banquier et rentrer dans Paris. Marius se précipita dans cette direction. Parvenu à l'angle du boulevard, il revit le fiacre qui descendait rapidement à la rue Mouffetard. Le fiacre était déjà très loin, aucun moyen de le rejoindre. Quoi? Courir après? Impossible! Et d'ailleurs, de la voiture, on remarquerait certainement un individu courant à toutes jambes à la poursuite du fiacre. Et le père le reconnaîtrait. En ce moment, hasard inouï et merveilleux, Marius aperçut un cabriolet de Régie qui passait à vide sur le boulevard. Il n'y avait qu'un parti à prendre, monter dans ce cabriolet et suivre le fiacre. Cela était sûr, efficace et sans danger. Marius fit signe au cocher d'arrêter et lui cria « À l'heure !» Marius était sans cravate, il avait son vieil habit de travail auquel des boutons manquaient, sa chemise était déchirée à l'un des plis de la poitrine. Le cocher s'arrêta, cligna de l'œil et étendit vers Marius sa main gauche en frottant doucement son index avec son pouce. « Quoi ?» dit Marius. « Payez d'avance !» dit le cocher. Marius se souvint qu'il n'avait sur lui que 16 sous. « Combien ? » demanda-t-il. « 40 sous. Je paierai en revenant. » Le cocher, pour toute réponse, siffla l'air de la palisse et fouetta son cheval. Marius regarda le cabriolet s'éloigner d'un air égaré. Pour 24 sous qui lui manquaient, il perdait sa joie, son bonheur, son amour, il retombait dans la nuit. Il avait vu et il redevenait aveugle. Il songea amèrement et, il faut bien le dire, avec un regret profond, aux 5 francs qu'il avait donnés le matin même à cette misérable fille. S'il avait eu ces 5 francs, il était sauvé, il renaissait, il sortait des limbes et des ténèbres, il sortait de l'isolement, du spleen, du veuvage. Il renouait le fil noir de sa destinée à ce beau fil d'or qui venait de flotter devant ses yeux et de se casser encore une fois. Il rentra dans la masure, désespéré. Il aurait pu se dire que M. Leblanc avait promis de revenir le soir et qu'il n'y aurait qu'à s'y mieux prendre cette fois pour le suivre. Mais dans sa contemplation, c'est à peine s'il l'avait entendu. Au moment de monter l'escalier, il aperçut de l'autre côté du boulevard, le long du mur désert de la rue de la Barrière des Gobelins, Jondrette, enveloppé du par-dessus du philanthrope, qui parlait à un de ces hommes de mine inquiétante qu'on est convenu d'appeler rôdeurs de barrière, gens à figure équivoque, à monologue suspect, qui ont un air de mauvaise pensée et qui dorment assez habituellement le jour, ce qui fait supposer qu'ils travaillent la nuit. Ces deux hommes, causant immobiles sous la neige qui tombait par tourbillon, faisait un groupe qu'un sergent de ville eût à coup sûr observé, mais que Marius remarqua à peine. Cependant, quelle que fût sa préoccupation douloureuse, il ne put s'empêcher de se dire que ce rôdeur de barrière à qui Jondrette parlait ressemblait à un certain Panchaud, dit printanier, dit briguenaille, que Courfeyrac lui avait montré une fois, et qui passait dans le quartier pour un promeneur nocturne assez dangereux. On a vu dans le livre précédent le nom de cet homme. Ce Panchaud, dit printanier, dit briguenaille, a figuré plus tard dans plusieurs procès criminels et est devenu depuis un coquin célèbre. Il n'était encore alors qu'un fameux coquin. Aujourd'hui, il est à l'état de tradition parmi les bandits et les escarpes. Il faisait école vers la fin du dernier règne, et le soir, à la nuit tombante, à l'heure où les groupes se forment et se parlent bas, on en causait à la force dans la fosse aux lions. On pouvait même, dans cette prison, précisément à l'endroit où passait, sous le chemin de ronde, ce canal des latrines, qui servit à la fuite inouïe en plein jour de 30 détenus en 1843, on pouvait, au-dessus de la dalle de ses latrines, lire son nom, Panchaud, audacieusement gravé par lui sur le mur de ronde dans une de ses tentatives d'évasion. En 1832, la police le surveillait déjà, mais il n'avait pas encore sérieusement débuté. Chapitre 11. Offre de service de la misère à la douleur. Marius monta l'escalier de la masure à pas lents. À l'instant où il allait rentrer dans sa cellule, il aperçut derrière lui, dans le corridor, la Jondrette aînée qui le suivait. Cette fille lui fit odieux avoir. C'était elle qui avait ses 5 francs. Il était trop tard pour les lui redemander. Le cabriolet n'était plus là, le fiacre était bien loin. D'ailleurs, elle ne les lui rendrait pas. Quant à la questionner sur la demeure des gens qui étaient venus tout à l'heure, cela était inutile. Il était évident qu'elle ne le savait point, puisque la lettre signée Fabantou était adressée au monsieur bienfaisant de l'église Saint-Jacques du Haut-Bas. Marius entra dans sa chambre et poussa sa porte derrière lui. Elle ne se ferma pas. Il se retourna et vit une main qui retenait la porte entrouverte. « Qu'est-ce que c'est ? Demanda-t-il. « Qui est là ?» C'était la fille Jondrette. « C'est vous ? » reprit Marius presque durement. « Toujours vous, donc. Que me voulez-vous ? » Elle semblait pensif et ne répondait pas. Elle n'avait plus son assurance du matin. Elle n'était pas entrée et se tenait dans l'ombre du corridor où Marius l'apercevait par la porte entrebâillée. « Ah, ça, répondrez-vous ? » fit Marius. Qu'est-ce que vous me voulez ? Elle leva sur lui son œil morne, où une espèce de clarté semblait s'allumer vaguement, et lui dit « Monsieur Marius, vous avez l'air triste. Qu'est-ce que vous avez ?»« Moi ?» dit Marius. « Oui, vous. »« Je n'ai rien. »« Si. »« Non. »« Je vous dis que si. »« Laissez-moi tranquille. » Marius poussa de nouveau la porte. Elle continua de la retenir. « Tenez, dit-elle, vous avez tort. Quoique vous ne soyez pas riche, vous avez été bon ce matin. Soyez-le encore à présent. Vous m'avez donné de quoi manger. Dites-moi maintenant ce que vous avez. Vous avez du chagrin, cela se voit. Je ne voudrais pas que vous eussiez du chagrin. Qu'est-ce qu'il faut faire pour cela? Puis-je servir à quelque chose? Employez-moi. Je ne vous demande pas vos secrets. Vous n'aurez pas besoin de me dire. Mais enfin, je peux être utile. Je peux bien vous aider, puisque j'aide mon père. Quand il faut porter des lettres, aller dans les maisons, demander de porte en porte, trouver une adresse, suivre quelqu'un, moi je sers à ça. Eh bien, vous pouvez bien me dire ce que vous avez. J'irai parler aux personnes. Quelquefois, quelqu'un qui parle aux personnes, ça suffit pour qu'on sache les choses et tout s'arrange. Servez-vous de moi. » Une idée traversa l'esprit de Marius. Quelle branche dédaigne-t-on quand on se sent tomber ? Il s'approcha de la Jondrette. « Écoute, lui dit-il. » Elle l'interrompit avec un éclair de joie dans les yeux. « Oh oui, tutoyez-moi, j'aime mieux cela. » « Eh bien, reprit-il, tu as amené ici ce vieux monsieur avec sa fille. » « Oui. » « Sais-tu leur adresse ?»« Non. » « Trouve-la-moi. » L'œil de la Jondrette, de morne, était devenu joyeux. De joyeux, il devint sombre. « C'est là ce que vous voulez ? » demanda-t-elle. « Oui. » « Est-ce que vous les connaissez ? » « Non. » « C'est-à-dire, reprit-elle vivement, vous ne la connaissez pas, mais vous voulez la connaître. » Ce « les » qui était devenu « là » avait je ne sais quoi de significatif et d'amer. « Enfin, peux-tu ? » dit Marius. « Vous avoir l'adresse de la belle demoiselle ?» Il y avait encore dans ces mots, la belle demoiselle, une nuance qui importuna Marius. Il reprit « Enfin, n'importe, l'adresse du père et de la fille, leur adresse, quoi !» Elle le regarda fixement. « Qu'est-ce que vous me donnerez ?»« Tout ce que tu voudras. » Tout ce que je voudrais ? Oui. Vous aurez l'adresse. Elle baissa la tête, puis d'un mouvement brusque, elle tira la porte qui se referma. Marius se retrouva seul. Il se laissa tomber sur une chaise, la tête et les deux coudes sur son lit, abîmé dans des pensées qu'il ne pouvait saisir et comme en proie à un vertige. Tout ce qui s'était passé depuis le matin, l'apparition de l'ange, sa disparition, ce que cette créature venait de lui dire, une lueur d'espérance flottant dans un désespoir immense, voilà ce qui emplissait confusément son cerveau. Tout à coup, il fut violemment arraché à sa rêverie. Il entendit la voix haute et dure de Jondrette prononcer ces paroles pleines du plus étrange intérêt pour lui. « Je te dis que j'en suis sûr et que je l'ai reconnu. » De qui parlait Jondrette ? Il avait reconnu qui ? Monsieur Leblanc ? Le père de son Ursule ? Quoi ? Est-ce que Jondrette le connaissait ? Marius allait-il avoir de cette façon brusque et inattendue tous les renseignements sans lesquels sa vie était obscure pour lui-même ? Allait-il savoir enfin qui il aimait ? Qui était cette jeune fille ? Qui était son père ? L'ombre si épaisse qui les couvrait était-elle au moment de s'éclaircir ? Le voile allait-il se déchirer ? Ah, ciel ! Il bondit, plutôt qu'il ne monta, sur la commode et reprit sa place près de la petite lucarne de la cloison. Il revoyait l'intérieur du bouge Jondrette. Chapitre 12. Emploi de la pièce de 5 francs de Monsieur Leblanc. Rien n'était changé dans l'aspect de la famille, sinon que la femme et les filles avaient puisé dans le paquet et mis des bas et des camisoles de laine. Deux couvertures neuves étaient jetées sur les deux lits. Le Jondrette venait évidemment de rentrer. Il avait encore les soufflements du dehors. Ses filles étaient près de la cheminée, assises à terre, l'aînée pansant la main de la cadette. Sa femme était comme affaissée sur le grabat voisin de la cheminée, avec un visage étonné. Jondrette marchait dans le galetas de long en large, à grands pas. Il avait les yeux extraordinaires. La femme, qui semblait timide et frappée de stupeur devant son mari, se hasarda à lui dire « Quoi ? Vraiment ? Tu es sûre ?»« Sûre ! Il y a 8 ans, mais je le reconnais. Ah, je le reconnais, je l'ai reconnu tout de suite. Quoi ? Cela ne t'a pas sauté aux yeux ?»« Non. Mais je t'ai dit pourtant, fais attention. Mais c'est la taille, c'est le visage, à peine plus vieux. Il y a des gens qui ne vieillissent pas, je ne sais pas comment ils font, c'est le son de voix. Il est mieux mis, voilà tout. Ah, vieux mystérieux du diable, je te tiens, va. » Il s'arrêta et dit à ses filles, « Allez-vous-en, vous autres. C'est drôle que cela ne t'ait pas sauté aux yeux. » Elles se levèrent pour obéir. La mère balbutia, « Avec sa main malade ?»« L'air lui fera du bien, » dit Jondrette. « Allez !» Il était visible que cet homme était de ceux auxquels on ne réplique pas. Les deux filles sortirent. Au moment où elles allaient passer la porte, le père retint l'aînée par le bras et dit avec un accent particulier « Vous serez ici à 5 heures précises, toutes les deux, j'aurai besoin de vous. » Marius redoubla d'attention. Demeuré seul avec sa femme, Jondrette se remit à marcher dans la chambre et en fit 2 ou 3 fois le tour en silence. Puis il passa quelques minutes à faire rentrer et à enfoncer dans la ceinture de son pantalon le bas de la chemise de femme qu'il portait. Tout à coup, il se tourna vers la Jondrette, croisa les bras et s'écria « Et veux-tu que je te dise une chose ? La demoiselle !»« Eh bien quoi ?» repartit la femme. « La demoiselle !» Marius n'en pouvait douter, c'était bien d'elle qu'on parlait. Il écoutait avec une anxiété ardente. Toute sa vie était dans ses oreilles. Mais le Jondrette s'était penché et avait parlé bas à sa femme. Puis il se releva et termina tout haut. « C'est elle !»« Ça ?» dit la femme. « Ça !» dit le mari. Aucune expression ne saurait rendre ce qu'il y avait dans le « ça » de la mère. C'était la surprise, la rage, la haine, la colère, mêlés et combinés dans une intonation monstrueuse. Il avait suffi de quelques mots prononcés, du nom sans doute, que son mari lui avait dit à l'oreille, pour que cette grosse femme assoupie se réveilla et de repoussante devint effroyable. « Pas possible ! » s'écria-t-elle. « Quand je pense que mes filles vont nu-pieds et n'ont pas une robe à mettre, comment ? Une pelisse de satin, un chapeau de velours, des brodequins et tout ? Pour plus de 200 francs d'effet, qu'on croirait que c'est une dame. Non, tu te trompes. Mais d'abord, l'autre était affreuse. Celle-ci n'est pas mal. Elle n'est vraiment pas mal. Ce ne peut pas être elle. Je te dis que c'est elle, tu verras. » À cette affirmation, si absolue, la Jondrette leva sa large face rouge et blonde et regarda le plafond avec une expression difforme. En ce moment, elle parut à Marius plus redoutable encore que son mari. C'était une truie, avec le regard d'une tigresse. « Quoi ? » reprit-elle. « Cette horrible belle demoiselle qui regardait mes filles d'un air de pitié, ce serait cette gueuse ! Oh ! Je voudrais lui crever le ventre à coups de sabot !» Elle sauta à bas du lit et resta un moment debout, décoiffée, les narines gonflées, la bouche entrouverte, les poings crispés et rejetés en arrière. Puis elle se laissa retomber sur le grabat. L'homme allait et venait sans faire attention à sa femelle. Après quelques instants de silence, il s'approcha de la Jondrette et s'arrêta devant elle, les bras croisés, comme le moment d'auparavant. « Et veux-tu que je te dise encore une chose ? quoi ? Demanda-t-elle. Il répondit d'une voix brève et basse. « C'est que ma fortune est faite !» La Jondrette le considéra de ce regard qui veut dire « Est-ce que celui qui me parle deviendrait fou ?» Lui continua. « Tonnerre ! Voilà pas mal longtemps déjà que je suis paroissien de la paroisse. Meurs de faim si tu as du feu, meurs de froid si tu as du pain. J'en ai eu assez de la misère, ma charge et la charge des autres. Je ne plaisante plus. Je ne trouve plus ça comique. Assez de calembours, bon Dieu. Plus de farces, Père éternel. Je veux manger à ma faim. Je veux boire à ma soif. Baffrer, dormir, ne rien faire. Je veux avoir mon tour, moi, tiens. Avant de crever, je veux être un peu millionnaire. » Il fit le tour du bouge et ajouta « Comme les autres. » « Qu'est-ce que tu veux dire ? » demanda la femme. Il secoua la tête, cligna de l'œil et haussa la voix comme un physicien de carrefour qui va faire une démonstration. « Ce que je veux dire, écoute !»« Chut !» grommela la Jondrette. « Pas si haut, si ce sont des affaires qu'il ne faut pas qu'on entende. »« Bah, qui ça ? Le voisin ? Je l'ai vu sortir tout à l'heure. D'ailleurs, est-ce qu'il entend ce grand bêta ? Et puis je te dis, je l'ai vu sortir. » Cependant, par une sorte d'instinct, Jondrette baissa la voix. Pas assez pourtant pour que ses paroles échappassent à Marius. Une circonstance favorable et qui avait permis à Marius de ne rien perdre de cette conversation, c'est que la neige tombée assourdissait le bruit des voitures sur le boulevard. Voilà ce que Marius entendit. Écoute bien, il est pris le Crésus, c'est tout comme, c'est déjà fait, tout est arrangé. J'ai vu des gens, il viendra ce soir à 6 heures, apporter ses 60 francs, canaille. As-tu vu comme je vous ai débagoulé ça, mes 60 francs, mon propriétaire, mon 4 février. Ce n'est seulement pas un derme, était-ce bête, il viendra donc à 6 heures. C'est l'heure où le voisin est allé dîner. La mère Burgon lave la vaisselle en ville, il n'y a personne dans la maison. Le voisin ne rentre jamais avant 11 heures. Les petites feront le guet. Tu nous aideras. Il s'exécutera. Et s'il ne s'exécute pas ? Demanda la femme. Jondrette fit un geste sinistre et dit : Nous l'exécuterons. Et il éclata de rire. C'était la première fois que Marius le voyait rire. Ce rire était froid et doux et faisait frissonner. Jondrette ouvrit un placard près de la cheminée et en tira une vieille casquette qu'il mit sur sa tête après l'avoir brossée avec sa manche. « Maintenant, fit-il, je sors. J'ai encore des gens à voir. Des bons. Tu verras comme ça va marcher. Je serai dehors le moins longtemps possible. C'est un beau coup à jouer. Garde la maison. » Et les deux poings dans les deux goussets de son pantalon, il resta un moment pensif, puis s'écria « Sais-tu qu'il est tout de même bien heureux qu'il ne m'ait pas reconnu, lui ? S'il m'avait reconnu de son côté, il ne serait pas revenu, il nous échappait. C'est ma barbe qui m'a sauvé, ma barbiche romantique, ma jolie petite barbiche romantique !» Et il se remit à rire. Il alla à la fenêtre. La neige tombait toujours et rayait le gris du ciel. « Quel chien de temps !» dit-il. Puis, croisant la redingote, « La pelure est trop large. »« C'est égal, » ajouta-t-il. « Il a diablement bien fait de me la laisser, le vieux coquin. Sans cela, je n'aurais pas pu sortir et tout aurait encore manqué. À quoi les choses tiennent pourtant ?» Et, enfonçant la casquette sur ses yeux, il sortit. À peine avait-il eu le temps de faire quelques pas dehors que la porte se rouvrit et que son profil fauve et intelligent reparut par l'ouverture. « J'oubliais, dit-il, tu auras un réchaud de charbon. » Et il jeta dans le tablier de sa femme la pièce de 5 francs que lui avait laissée le philanthrope. « Un réchaud de charbon ? » demanda la femme. « Oui. Combien de boisseaux ? De bons. » « Cela fera 30 sous. Avec le reste, j'achèterai de quoi dîner. »« Diable, non !»« Pourquoi ? ne va pas dépenser la pièce sans sous. Pourquoi ? Parce que j'aurai quelque chose à acheter de mon côté. Quoi ? Quelque chose. Combien te faudrait-il ? Où y a-t-il un quincailler par ici ? Rue Mouffetard. Ah oui, au coin d'une rue, je vois la boutique. Mais dis-moi donc combien il te faudra pour ce que tu as acheté ? 50 sous 3 francs. Il ne restera pas gras pour le dîner. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de manger, il y a mieux à faire. Ça suffit, mon bijou. Sur ce mot de sa femme, Jondrette referma la porte. Et cette fois, Marius entendit son pas s'éloigner dans le corridor de la masure et descendre rapidement l'escalier. 1 heure sonnait en cet instant à Saint-Médard. Chapitre 13. Solus cum solo in loco remoto, non cogit abuntur orare pater noster. Marius, tout songeur qu'il était, nous l'avons dit, une nature ferme et énergique. Les habitudes de recueillement solitaire, en développant en lui la sympathie et la compassion, avaient diminué peut-être la faculté de s'irriter, mais laissé intacte la faculté de s'indigner. Il avait la bienveillance d'un brame et la sévérité d'un juge. Il avait pitié d'un crapaud, mais il écrasait une vipère. Or, c'était dans un trou de vipère que son regard venait de plonger. C'était un nid de monstre qu'il avait sous les yeux. « Il faut mettre le pied sur ces misérables, » dit-il. Aucune des énigmes qu'il espérait voir dissipées ne s'était éclaircie. Au contraire, toutes s'étaient épaissies peut-être. Il ne savait rien de plus sur la belle enfant du Luxembourg et sur l'homme qu'il appelait Monsieur Leblanc, sinon que Jondrette les connaissait. À travers les paroles ténébreuses qui avaient été dites, il n'entrevoyait distinctement qu'une chose, c'est qu'un guet-apens se préparait, un guet-apens obscur, mais terrible. C'est qu'ils couraient tous les deux un grand danger. Elle, probablement, son père à coup sûr. C'est qu'il fallait les sauver. C'est qu'il fallait déjouer les combinaisons hideuses des Jondrette et rompre la toile de ses araignées. Il observa un moment la Jondrette. Elle avait tiré d'un coin un vieux fourneau de tôle et elle fouillait dans des ferrailles. Il descendit de la commode le plus doucement qu'il put et en ayant soin de ne faire aucun bruit. Dans son effroi de ce qui s'apprêtait et dans l'horreur dont les Jondrette l'avaient pénétré, il sentit une sorte de joie à l'idée qu'il lui serait peut-être donné de rendre un tel service à celle qu'il aimait. Mais comment faire ? Avertir les personnes menacées ou les trouver ? Il ne savait pas leur adresse. Elles avaient reparu un instant à ses yeux, puis elles s'étaient replongées dans les immenses profondeurs de Paris. Attendre Monsieur Leblanc à la porte le soir à 6 heures, au moment où il arriverait, et le prévenir du piège. Mais Jondrette et ses gens le verraient guetter. Le lieu était désert. Il serait plus fort que lui. Il trouverait moyen ou de le saisir ou de l'éloigner. Et celui que Marius voulait sauver serait perdu. 1 heure venait de sonner. Le guet-apens devait s'accomplir à 6 heures. Marius avait 5 heures devant lui. Il n'y avait qu'une chose à faire. Il mit son habit passable, se noua un foulard au cou, prit son chapeau et sortit, sans faire plus de bruit que s'il eût marché sur de la mousse avec des pieds nus. D'ailleurs, la Jondrette continuait de fourgonner dans ses ferrailles. Une fois hors de la maison, il gagna la rue du Petit Banquier. Il était vers le milieu de cette rue, près d'un mur très bas, qu'on peut enjamber à certains endroits, et qui donne dans un terrain vague. Il marchait lentement, préoccupé qu'il était. La neige assourdissait ses pas. Tout à coup, il entendit des voix qui parlaient tout près de lui. Il tourna la tête, la rue était déserte, il n'y avait personne. C'était en plein jour, et cependant il entendait distinctement des voix. Il eut l'idée de regarder par-dessus le mur qu'il côtoyait. Il y avait là, en effet, 2 hommes adossés à la muraille, assis dans la neige et se parlant bas. Ces 2 figures lui étaient inconnues. L'un était un homme barbu en blouse et l'autre un homme chevelu en guenille. Le barbu avait une calotte grecque, l'autre la tête nue et de la neige dans les cheveux. En avançant la tête au-dessus d'eux, Marius pouvait entendre. Le chevelu poussait l'autre du coude et disait « Avec patron Minette, ça ne peut pas manquer !»« Crois-tu ? » dit le barbu. Et le chevelu répartit « Ce sera pour chacun un fiafot de 500 balles, et le pire qui puisse arriver, 5 ans, 6 ans, 10 ans au plus !» L'autre répondit avec quelque hésitation et en se grattant sous son bonnet grec. « Ça, c'est une chose réelle. On ne peut pas aller à l'encontre de ces choses-là. »« Je te dis que l'affaire ne peut pas manquer, » reprit le chevelu. « La maringotte du père Chose sera attelée. » Puis ils se mirent à parler d'un mélodrame qu'ils avaient vu la veille à la Gaîté. Marius continua son chemin. Il lui semblait que les paroles obscures de ces hommes, si étrangement cachés derrière ce mur et accroupis dans la neige, n'étaient pas peut-être sans quelque rapport avec les abominables projets de Jondrette. Ce devait être là l'affaire. Il se dirigea vers le faubourg Saint-Marceau et demanda à la première boutique qu'il rencontra où il y avait un commissaire de police. On lui indiqua la rue de Pontoise et le numéro 14. Marius s'y rendit. Et passant devant un boulanger, il acheta un pain de 2 sous et le mangea, prévoyant qu'il ne dînerait pas. Chemin faisant, il rendit justice à la Providence. Il songea que s'il n'avait pas donné ses 5 francs le matin à la fille Jondrette, il aurait suivi le fiacre de Monsieur Leblanc et par conséquent tout ignoré, que rien n'aurait fait obstacle au guet-apens des Jondrette et que Monsieur Leblanc était perdu et sans doute sa fille avec lui. Chapitre 14. Où un agent de police donne 2 coups de poing à un avocat. Arrivé au numéro 14 de la rue de Pontoise, il monta au premier et demanda au commissaire de police. « Monsieur le commissaire de police n'y est pas, » dit un garçon de bureau quelconque. « Mais il y a un inspecteur qui le remplace. Voulez-vous lui parler ? Est-ce pressé ?»« Oui, » dit Marius. Le garçon de bureau l'introduisit dans le cabinet du commissaire. Un homme de haute taille s'y tenait debout, derrière une grille, appuyé à un poêle, et relevant de ses 2 mains les pans d'un vaste carrique à 3 collets. C'était une figure carrée, une bouche mince et ferme, d'épais favoris grisonnants, très farouches, un regard à retourner vos poches. On eût pu dire de ce regard non qu'il pénétrait, mais qu'il fouillait. Cet homme n'avait pas l'air beaucoup moins féroce ni beaucoup moins redoutable que Jondrette. Le dogue, quelquefois, n'est pas moins inquiétant à rencontrer que le loup. « Que voulez-vous ? » dit-il à Marius sans ajouter « monsieur ».« Monsieur le commissaire de police ? » ?»« Il est absent, je le remplace. » « C'est pour une affaire très secrète. »« Alors, parlez !»« Et très pressé. »« Alors, parlez vite !» Cet homme, calme et brusque, était tout à la fois effrayant et rassurant. Il inspirait la crainte et la confiance. Marius lui conta l'aventure. Qu'une personne qu'il ne connaissait que de vue devait être attirée le soir même dans un guet-apens. Qu'habitant la chambre voisine du repaire, il avait, lui, Marius Pontmercy, avocat, entendu tout le complot à travers la cloison, que le scélérat qui avait imaginé le piège était un nommé Jondrette, qu'il aurait des complices, probablement des rôdeurs de barrière, entre autres un certain Panchaud, dit Printanier, dit Briguenaille, que les filles de Jondrette feraient le guet, qu'il n'existait aucun moyen de prévenir l'homme menacé, attendu qu'on ne savait même pas son nom, et qu'enfin tout cela devait s'exécuter à 6 heures du soir, au point le plus désert du boulevard de l'Hôpital, dans la maison du numéro 50-52. À ce numéro, l'inspecteur leva la tête et dit froidement « C'est donc dans la chambre du fond du corridor ?»« Précisément, fit Marius, et il ajouta, est-ce que vous connaissez cette maison ? L'inspecteur resta un moment silencieux, puis répondit en chauffant le talon de sa botte à la bouche du poêle, apparemment. Il continua dans ses dents, parlant moins à Marius qu'à sa cravate. Il doit y avoir un peu de patron-minette là-dedans. Ce mot frappa Marius. Patron-minette, dit-il, j'ai en effet entendu prononcer ce mot-là. Et il raconta à l'inspecteur le dialogue de l'homme chevelu et de l'homme barbu dans la neige, derrière le mur de la rue du petit banquier. L'inspecteur grommela. « Le chevelu doit être Brujon, et le barbu doit être 2 milliards, dit 2 milliards. » Il avait de nouveau baissé les paupières et il méditait. « Quant au père Chose, je l'entrevois. Voilà que j'ai brûlé mon carrick. Ils font toujours trop de feu dans ces maudits poêles. » Le numéro 50-52. Ancienne propriété Gorbeau. Puis il regarda Marius. « Vous n'avez vu que ce barbu et ce chevelu ?»« Et Panchot. »« Vous n'avez pas vu rôdailler par là une espèce de petit muscadin du diable ?»« Non. »« Ni un grand gros massif matériel qui ressemble à l'éléphant du jardin des plantes ?»« Non. »« Ni un malin qui a l'air d'une ancienne queue rouge ?»« Non. » Quant au quatrième, personne ne le voit, pas même ses adjudants, commis et employés. Il est peu surprenant que vous ne l'ayez pas aperçu. Non. Qu'est-ce que c'est, demanda Marius, que tous ces êtres-là ? L'inspecteur répondit. D'ailleurs, ce n'est pas leur heure. Il retomba dans son silence, puis reprit. 50-52. Je connais la baraque. Impossible de nous cacher dans l'intérieur sans que les artistes s'en aperçoivent. Alors ils en seraient quittes pour décommander le vaudeville. Ils sont si modestes. Le public les gêne. Pas de ça, pas de ça. Je veux les entendre chanter et les faire danser. Ce monologue terminé, il se tourna vers Marius et lui demanda en le regardant fixement. « Aurez-vous peur ?»« De quoi ?» dit Marius. « De ces hommes ?» « Pas plus que de vous !» répliqua rudement Marius, qui commençait à remarquer que ce mouchard ne lui avait pas encore dit « monsieur ». L'inspecteur regarda Marius plus fixement encore et reprit avec une sorte de solennité sentencieuse. « Vous parlez là comme un homme brave et comme un homme honnête. Le courage ne craint pas le crime et l'honnêteté ne craint pas l'autorité. » Marius l'interrompit. C'est bon, mais que comptez-vous faire ? L'inspecteur se borna à lui répondre. Les locataires de cette maison-là en dépassent partout pour rentrer la nuit chez eux. Vous devez en avoir un. Oui, dit Marius. L'avez-vous sur vous ? Oui. Donnez-le-moi, dit l'inspecteur. Marius prit la clé dans son gilet, la remit à l'inspecteur et ajouta. Si vous m'en croyez, vous viendrez en force. L'inspecteur jeta sur Marius le coup d'œil de Voltaire à un académicien de province qui lui eût proposé une rime. Il plongea d'un seul mouvement ses deux mains, qui étaient énormes, dans les deux immenses poches de son carrick et en tira deux petits pistolets d'acier, de ces pistolets qu'on appelle coups de poing. Il les présenta à Marius en disant vivement et d'un ton bref. « Prenez ceci, rentrez chez vous, cachez-vous dans votre chambre, qu'on vous croit sorti. Ils sont chargés, chacun de 2 balles. Vous observerez. Il y a un trou au mur, vous me l'avez dit. Les gens viendront. Laissez-les aller un peu. Quand vous jugerez la chose à point et qu'il sera temps de l'arrêter, vous tirerez un coup de pistolet. Pas trop tôt, le reste me regarde. Un coup de pistolet en l'air, au plafond, n'importe où. Surtout, pas trop tôt. » « Attendez qu'il y ait commencement d'exécution. Vous êtes avocat, vous savez ce que c'est. » Marius prit les pistolets et les mit dans la poche de côté de son habit. « Cela fait une bosse comme cela, cela se voit, » dit l'inspecteur. « Mettez-les plutôt dans vos goussets. » Marius cacha les pistolets dans ses goussets.

Le soir était venu. La nuit était à peu près fermée. Il n'y avait plus sur l'horizon et dans l'immensité qu'un point éclairé par le soleil. C'était la lune. Elle se levait, rouge, derrière le dôme bas de la salpêtrière. Marius regagna à grands pas le numéro 50-52. La porte était encore ouverte quand il arriva. Il monta l'escalier sur la pointe du pied et se glissa le long du mur du corridor jusqu'à sa chambre. Ce corridor, on s'en souvient, était bordé des deux côtés de galetas en ce moment tous alloués et vides. Madame Burgon en laissait habituellement les portes ouvertes. En passant devant une de ces portes, Marius crut apercevoir dans la cellule inhabitée quatre têtes d'hommes immobiles que blanchissait vaguement un reste de jour tombant par une lucarne. Marius ne chercha pas à voir, ne voulant pas être vu. Il parvint à rentrer dans sa chambre sans être aperçu et sans bruit. Il était temps. Un moment après, il entendit Mme Burgon qui s'en allait et la porte de la maison qui se fermait. Chapitre 16. Où l'on retrouvera la chanson sur un air anglais à la mode en 1832. Marius s'assit sur son lit. Il pouvait être 5h30. Une demi-heure seulement le séparait de ce qui allait arriver. Il entendait battre ses artères, comme on entend le battement d'une montre dans l'obscurité. Il songeait à cette double marche qui se faisait en ce moment dans les ténèbres, le crime s'avançant d'un côté, la justice venant de l'autre. Il n'avait pas peur, mais il ne pouvait penser sans un certain tressaillement aux choses qui allaient se passer. Comme à tous ceux que vient assaillir soudainement une aventure surprenante, cette journée entière lui faisait l'effet d'un rêve. Et pour ne point se croire en proie à un cauchemar, il avait besoin de sentir dans ses goussets le froid des deux pistolets d'acier. Il ne neigeait plus. La lune, de plus en plus claire, se dégageait des brumes, et sa lueur, mêlée aux reflets blancs de la neige tombée, donnait à la chambre un aspect crépusculaire. Il y avait de la lumière dans le taudis Jondrette. Marius voyait le trou de la cloison briller d'une clarté rouge qui lui paraissait sanglante. Il était réel que cette clarté ne pouvait guère être produite par une chandelle. Du reste, aucun mouvement chez les Jondrette. Personne n'y bougeait, personne n'y parlait, pas un souffle. Le silence y était glacial et profond. Et sans cette lumière, on se fût cru à côté d'un sépulcre. Marius ôta doucement ses bottes et les poussa sous son lit. Quelques minutes s'écoulèrent. Marius entendit la porte d'en bas tourner sur ses gonds. Un pas lourd et rapide monta l'escalier et parcourut le corridor. Le loquet du bouge se souleva avec bruit. C'était Jondrette qui rentrait. Tout de suite, plusieurs voix s'élevèrent. Toute la famille était dans le galetas. Seulement, elle se taisait en l'absence du maître, comme les louveteaux en l'absence du loup. « C'est moi !» dit-il. « Bonsoir, père Murch !» glapirent les filles. « Eh bien !» dit la mère. « Tout va à la papa !» répondit Jondrette. « Mais j'ai un froid de chien aux pieds !»« Bon, c'est cela, tu t'es habillée, il faudra que tu puisses inspirer de la confiance. »« Toute prête à sortir. »« Tu n'oublieras rien de ce que je t'ai dit, tu feras bien tout !» « Sois tranquille. »« C'est que... » dit Jondrette, et il n'acheva pas sa phrase. Marius l'entendit poser quelque chose de lourd sur la table, probablement le ciseau qu'il avait acheté. « Ah, ça !» reprit Jondrette. « A-t-on mangé ici ?»« Oui, » dit la mère, « j'ai eu 3 grosses pommes de terre et du sel. J'ai profité du feu pour les faire cuire. »« Bon, » répartit Jondrette. « Demain, je vous mène dîner avec moi. Il y aura un canard et des accessoires. Vous dînerez comme des Charles X. Tout va bien. » Puis il ajouta en baissant la voix, « La souricière est ouverte. Les chats sont là. » Il baissa encore la voix et dit, « Mets ça dans le feu. » Marius entendit un cliquetis de charbon qu'on heurtait avec une pincette ou un outil en fer, et Jondrette continua. « As-tu suifé les gonds de la porte pour qu'ils ne fassent pas de bruit ?»« Oui, » répondit la mère. « Quelle heure est-il ? » ?»« 6 heures bientôt. La demi vient de sonner à Saint-Médard. »« Diable !» fit Jondrette. « Il faut que les petites aillent faire le guet. Venez, vous autres, écoutez ici. » Il y eut un chuchotement. La voix de Jondrette s'éleva encore. « La Burgon est-elle partie ?»« Oui, » dit la mère. « Es-tu sûre qu'il n'y a personne chez le voisin ?»« Il n'est pas rentré de la journée, et tu sais bien que c'est l'heure de son dîner. »« Tu es sûre ?»« Sûre. » »« C'est égal, » reprit Jondrette. « Il n'y a pas de mal à aller voir chez lui s'il y est. Ma fille, prends la chandelle et vas-y. » Marius se laissa tomber sur ses mains et ses genoux et rampa silencieusement sous son lit. À peine y était-il blotti qu'il aperçut une lumière à travers les fentes de sa porte. « Pas !» cria une voix. « Il est sorti !» Il reconnut la voix de la fille aînée. « Es-tu entrée ?» demanda le père. « Non, répondit la fille, mais puisque sa clé est à sa porte, il est sorti. » Le père cria, « Entre tout de même !» La porte s'ouvrit, et Marius vit entrer la grande Jondrette, une chandelle à la main. Elle était comme le matin, seulement plus effrayante encore à cette clarté. Elle marcha droit au lit. Marius eut un inexprimable moment d'anxiété. Mais il y avait près du lit un miroir cloué au mur. C'était là qu'elle allait. Elle se haussa sur la pointe des pieds et s'y regarda. On entendait un bruit de ferraille remué dans la pièce voisine. Elle lissa ses cheveux avec la paume de sa main et fit des sourires au miroir tout en chantonnant de sa voix cassée et sépulcrale. Nos amours ont duré toute une semaine, mais que du bonheur les instants sont courts. S'adorer 8 jours, c'était bien la peine. Le temps des amours devrait durer toujours, devrait durer toujours, devrait durer toujours. Cependant, Marius tremblait. Il lui semblait impossible qu'elle n'entendît pas sa respiration. Elle se dirigea vers la fenêtre et regarda dehors en parlant haut avec cet air à demi-fou qu'elle avait. « Comme Paris est laid quand il a mis une chemise blanche » dit-elle. Elle revint au miroir et se fit de nouveau des mines, se contemplant successivement de face et de 3/4. « Eh bien !» cria le père. « Qu'est-ce que tu fais donc ?»« Je regarde sous le lit et sous les meubles !» répondit-elle en continuant d'arranger ses cheveux. « Il n'y a personne !»« Cruche !» hurla le père. « Ici tout de suite, et ne perdons pas le temps !»« J'y vas, j'y vas !» dit-elle. « On n'a le temps de rien dans leur baraque !» Elle fredonna. « Vous me quittez pour aller à la gloire, mon triste cœur suivra partout vos pas. » Elle jeta un dernier coup d'œil au miroir et sortit en refermant la porte sur elle. Un moment après, Marius entendit le bruit des pieds nus des 2 jeunes filles dans le corridor et la voix de Jondrette qui leur criait « Faites bien attention, l'une du côté de la barrière, l'autre au coin de la rue du Petit Banquier. Ne perdez pas de vue 1 minute la porte de la maison. Et pour peu que vous voyiez quelque chose, tout de suite ici, 4/4, vous avez une clé pour rentrer. » La fille aînée grommela. « Faire faction nu-pied dans la neige !»« Demain, vous aurez des bottines de soie couleur scarabée !» dit le père. Elles descendirent l'escalier, et quelques secondes après, le choc de la porte d'en bas qui se refermait annonça qu'elles étaient dehors. Il n'y avait plus dans la maison que Marius et les Jondrettes, et probablement aussi les êtres mystérieux entrevus par Marius dans le crépuscule derrière la porte du Galetas inhabité. Chapitre 17. Emploi de la pièce de 5 francs de Marius. Marius jugea que le moment était venu de reprendre sa place à son observatoire. En un clin d'œil, et avec la souplesse de son âge, il fut près du trou de la cloison. Il regarda. L'intérieur du logis Jondrette offrait un aspect singulier, et Marius s'expliqua la clarté étrange qu'il y avait remarquée. Une chandelle y brûlait dans un chandelier vert de grisé, mais ce n'était pas elle qui éclairait réellement la chambre. Le taudis tout entier était comme illuminé par la réverbération d'un assez grand réchaud de tôle placé dans la cheminée et rempli de charbon allumé, le réchaud que la Jondrette avait préparé le matin. Le charbon était ardent et le réchaud était rouge. Une flamme bleue y dansait et aidait à distinguer la forme du ciseau acheté par Jondrette rue Pierre Lombard, qui rougissait enfoncé dans la braise. On voyait dans un coin près de la porte, et comme disposé pour un usage prévu, deux tas qui paraissaient être l'un un tas de ferraille, l'autre un tas de cordes. Tout cela, pour quelqu'un qui n'eût rien su de ce qui s'apprêtait, eût fait flotter l'esprit entre une idée très sinistre et une idée très simple. Le bouge ainsi éclairé ressemblait plutôt à une forge qu'à une bouche de l'enfer. Mais Jondrette, à cette lueur, avait plutôt l'air d'un démon que d'un forgeron. La chaleur du brasier était telle que la chandelle sur la table fondait du côté du réchaud et se consumait en biseau. Une vieille lanterne sourde en cuivre, digne de Diogène devenu Cartouche, était posée sur la cheminée. Le réchaud, placé dans le foyer même, à côté des tisons à peu près éteints, envoyait sa vapeur dans le tuyau de la cheminée et ne répandait pas d'odeur. La lune, entrant par les quatre carreaux de la fenêtre, jetait sa blancheur dans le galetas pourpre et flamboyant, et pour le poétique esprit de Marius, songeur même au moment de l'action, c'était comme une pensée du ciel mêlée aux rêves difformes de la terre. Un souffle d'air pénétrant par le carreau cassé contribuait à dissiper l'odeur du charbon et à dissimuler le réchaud. Le repère Jondrette était, si l'on se rappelle ce que nous avons dit de la masure Gorbeau, admirablement choisi pour servir de théâtre à un fait violent et sombre, et d'enveloppe à un crime. C'était la chambre la plus reculée de la maison, la plus isolée du boulevard, le plus désert de Paris. Si le guet-apens n'existait pas, on l'y eût inventé. Toute l'épaisseur d'une maison et une foule de chambres inhabitées séparaient ce bouge du boulevard, et la seule fenêtre qu'il eut donnait sur de vastes terrains vagues enclos de murailles et de palissades. Jondrette avait allumé sa pipe, s'était assis sur la chaise dépaillée et fumait. Sa femme lui parlait bas. Si Marius eût été Courfeyrac, c'est-à-dire de ces hommes qui rient dans toutes les occasions de la vie, il eut éclaté de rire quand son regard tomba sur la Jondrette. Elle avait un chapeau noir avec des plumes assez semblables au chapeau des héros d'armes et du sacre de Charles X, un immense châle tartan sur son jupon de tricot et les souliers d'homme que sa fille avait dédaignés le matin. C'était cette toilette qui avait arraché à Jondrette l'exclamation « Bon, tu t'es habillée, tu as bien fait. Il faut que tu puisses inspirer de la confiance. » Quant à Jondrette, il n'avait pas quitté le surtout neuf et trop large pour lui que M. Leblanc lui avait donné. Et son costume continuait d'offrir ce contraste de la redingote et du pantalon qui constituait aux yeux de Courfeyrac l'idéal du poète. Tout à coup, Jondrette haussa la voix. « À propos, j'y songe. Par le temps qu'il fait, il va venir en fiacre. Allume la lanterne, prends-la et descends. Tu te tiendras derrière la porte en bas. Au moment où tu entendras la voiture s'arrêter, tu ouvriras tout de suite. Il montera, tu l'éclaireras dans l'escalier et dans le corridor. Et pendant qu'il entrera ici, tu redescendras bien vite. Tu paieras le cocher et tu renverras le fiacre. » « Et de l'argent ?» demanda la femme. Jondrette fouilla dans son pantalon et lui remit 5 francs. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » s'écria-t-elle. Jondrette répondit avec dignité. C'est le monarque que le voisin a donné ce matin. » Et il ajouta, « Sais-tu, il faudrait ici 2 chaises. Pourquoi ? Pour s'asseoir. » Marius sentit un frisson lui courir dans les reins en entendant la Jondrette faire cette réponse paisible. « Pardieu, je vais t'aller chercher celle du voisin. » Et d'un mouvement rapide, elle ouvrit la porte du bouge et sortit dans le corridor. Marius n'avait pas matériellement le temps de descendre de la commode, d'aller jusqu'à son lit et de s'y cacher. « Prends la chandelle !» cria Jondrette. « Non, dit-elle, cela m'embarrasserait. J'ai 2 chaises à porter. Il fait clair de lune. » Marius entendit la lourde main de la mère Jondrette chercher en tâtonnant sa clé dans l'obscurité. La porte s'ouvrit. Il resta cloué à sa place par le saisissement et la stupeur. La Jondrette entra. La lucarne mansardée laissait passer un rayon de lune entre 2 grands pans d'ombre. Un de ces pans d'ombre couvrait entièrement le mur auquel était adossé Marius, de sorte qu'il y disparaissait. La mère Jondrette leva les yeux, ne vit pas Marius, prit 2 chaises, les seules que Marius posséda, et s'en alla, en laissant la porte retomber bruyamment derrière elle. Elle rentra dans le bouge. « Voici 2 chaises. »« Et voilà la lanterne, dit le mari. Descends bien vite. » Elle obéit en hâte, et Jondrette resta seule. Il disposa 2 chaises des 2 côtés de la table, retourna le ciseau dans le brasier, mit devant la cheminée un vieux paravent qui masquait le réchaud, puis alla au coin où était le tas de cordes, et se baissa comme pour y examiner quelque chose. Marius reconnut alors que ce qu'il avait pris pour un tas informe était une échelle de corde très bien faite, avec 2 échelons de bois et 2 crampons pour l'accrocher. Cette échelle et 2 gros outils, véritables massues de fer, qui étaient mêlés au monceau de ferraille entassé derrière la porte, n'étaient point le matin dans le bouge Jondrette, et y avaient été évidemment apportés dans l'après-midi, pendant l'absence de Marius. « Ce sont 2 outils de taillandier, » pensa Marius. Si Marius eût été un peu plus lettré en ce genre, il eût reconnu, dans ce qu'il prenait pour 2 engins de taillandier, 2 certains instruments pouvant forcer une serrure ou crocheter une porte, et 2 autres pouvant couper ou trancher, 2 familles d'outils sinistres que les voleurs appellent les cadets et les fauchants. La cheminée et la table, avec 2 chaises, étaient précisément en face de Marius. Le réchaud était caché, la chambre n'était plus éclairée que par la chandelle. Le moindre tesson sur la table ou sur la cheminée faisait une grande ombre. Un pot à eau égueulé masquait la moitié d'un mur. Il y avait dans cette chambre je ne sais quel calme hideux et menaçant. On y sentait l'attente de quelque chose d'épouvantable. Jondrette avait laissé sa pipe s'éteindre, grave signe de préoccupation, et était venu se rasseoir. La chandelle faisait saillir les angles farouches et fins de son visage. Il avait des froncements de sourcils et de brusques épanouissements de la main droite, comme s'il répondait aux derniers conseils d'un sombre monologue intérieur. Dans une de ces obscures répliques qu'il se faisait à lui-même, il amena vivement à lui le tiroir de la table. Il prit un long couteau de cuisine qui y était caché et en essuya le tranchant sur son ongle. Cela fait, il remit le couteau dans le tiroir qu'il repoussa. Marius, de son côté, saisit le pistolet qui était dans son gousset droit, l'en retira et l'arma. Le pistolet, en s'armant, fit un petit bruit, clair et sec. Jondrette tressaillit et se souleva à demi sur sa chaise. « Qui est là ? » cria-t-il. Marius suspendit son haleine. Jondrette écouta un instant, puis se mit à rire en disant « Suis-je bête ? C'est la cloison qui craque !» Marius garda le pistolet à sa main. Chapitre 18. Les 2 chaises de Marius se font vis-à-vis. Tout à coup, La vibration lointaine et mélancolique d'une cloche ébranla les vitres. 6 heures sonnaient à Saint-Médard. Jondrette marqua chaque coup d'un hochement de tête. Le 6e sonnait, il moucha la chandelle avec ses doigts. Puis il se mit à marcher dans la chambre, écouta dans le corridor, marcha, écouta encore. « Pourvu qu'il vienne !» grommela-t-il. Puis il revint à sa chaise. Il se rasseyait à peine que la porte s'ouvrit. La mère Jondrette l'avait ouverte et restait dans le corridor, faisant une horrible grimace aimable qu'un des trous de la lanterne sourde éclairait d'en bas. « Entrez, monsieur !» dit-elle. « Entrez, mon bienfaiteur !» répéta Jondrette, se levant précipitamment. Monsieur Leblanc parut. Il avait un air de sérénité qui le faisait singulièrement vénérable. Il posa sur la table 4 louis. « Monsieur Fabantou, dit-il, voici pour votre loyer et vos premiers besoins. Nous verrons ensuite. » « Dieu vous le rende, mon généreux bienfaiteur !» dit Jondrette. Et s'approchant rapidement de sa femme, « Renvoie le fiacre !» Elle s'esquiva pendant que son mari prodiguait les saluts et offrait une chaise à Monsieur Leblanc. Un instant après, elle revint et lui dit bas à l'oreille « C'est fait !» La neige, qui n'avait cessé de tomber depuis le matin, était tellement épaisse qu'on n'avait point entendu le fiacre arriver et qu'on ne l'entendit pas s'en aller. Cependant, Monsieur Leblanc s'était assis. Jondrette avait pris position de l'autre chaise en face de Monsieur Leblanc. Maintenant, pour se faire une idée de la scène qui va suivre, que le lecteur se figure dans son esprit la nuit glacée, les solitudes de la salpêtrière couverte de neige, et blanche au clair de lune comme d'immenses linceuls, la clarté de veilleuse des réverbères, rougissant çà et là ses boulevards tragiques et les longues rangées des ormes noires, pas un passant peut-être à un quart de lieue à la ronde, la masure Gorbeau à son plus haut point de silence, d'horreur et de nuit, dans cette masure, au milieu de ces solitudes, au milieu de cette ombre, le vaste galetas Jondrette éclairé d'une chandelle, et dans ce bouge, 2 hommes assis à une table. Monsieur Leblanc, tranquille, Jondrette, souriante et effroyable. La Jondrette, la mère louve dans un coin, et derrière la cloison, Marius invisible, debout, ne perdant pas une parole, ne perdant pas un mouvement, l'œil au guet, le pistolet au poing. Marius, du reste, n'éprouvait qu'une émotion d'horreur, mais aucune crainte. Il étreignait la crosse du pistolet et se sentait rassuré. « J'arrêterai ce misérable quand je voudrai !» pensait-il. Il sentait la police quelque part, là, en embuscade, attendant le signal convenu et toute prête à étendre le bras. Il espérait du reste que de cette violente rencontre de Jondrette et de Monsieur Leblanc, quelque lumière jaillirait sur tout ce qu'il avait intérêt à connaître. Chapitre 19. Se préoccuper des fonds obscurs. À peine assis, Monsieur Leblanc tourna les yeux vers les grabats qui étaient vides. « Comment va la pauvre petite blessée ? » demanda-t-il. « Mal, répondit Jondrette avec un sourire navré et reconnaissant. « Très mal, mon digne monsieur. Sa sœur aînée l'a menée à la bourbe, se faire panser. Vous allez les voir, elles vont rentrer tout à l'heure. » « Madame Fabantou me paraît mieux portante, reprit Monsieur Leblanc, en jetant les yeux sur le bizarre accoutrement de la Jondrette, qui, debout entre lui et la porte, comme si elle gardait déjà l'issue, le considérait dans une posture de menace et presque de combat. « Elle est mourante, dit Jondrette, mais que voulez-vous, monsieur ? Elle a tant de courage, cette femme-là. Ce n'est pas une femme, c'est un bœuf. » La Jondrette, touchée du compliment, se récria avec une minauderie de monstre flatté. « Tu es toujours trop bon pour moi, monsieur Jondrette !»« Jondrette ? » dit monsieur Leblanc. « Je croyais que vous vous appeliez Fabantou. »« Fabantou, dit Jondrette, reprit vivement le mari. Sobriquet d'artiste. Et, jetant à sa femme un haussement d'épaule que M. Leblanc ne vit pas, il poursuivit avec une inflexion de voix emphatique et caressante. Ah, c'est que nous avons toujours fait bon ménage, cette pauvre chérie et moi. Qu'est-ce qu'il nous resterait si nous n'avions pas cela? Nous sommes si malheureux, mon respectable monsieur. On a des bras, pas de travail. On a du cœur, pas d'ouvrage. Je ne sais pas comment le gouvernement arrange cela, mais ma parole d'honneur, monsieur, je ne suis pas jacobin, monsieur. Je ne suis pas bousingo, je ne lui veux pas de mal. Mais si j'étais les ministres, ma parole la plus sacrée, cela irait autrement. Tenez, exemple. J'ai voulu faire apprendre le métier du cartonnage à mes filles. Vous me direz, quoi, un métier? Oui, un métier, un simple métier, un gagne-pain. Quelle chute, mon bienfaiteur! Quelle dégradation quand on a été ce que nous étions! Hélas, il ne nous reste rien de notre temps de prospérité. Rien qu'une seule chose, un tableau auquel je tiens. Mais dont je me déferai pourtant, car il faut vivre. Item, il faut vivre. Pendant que Jondrette parlait, avec une sorte de désordre apparent qui n'ôtait rien à l'expression réfléchie et sagace de sa physionomie, Marius leva les yeux et aperçut au fond de la chambre quelqu'un qu'il n'avait pas encore vu. Un homme venait d'entrer, si doucement qu'on n'avait pas entendu tourner les gonds de la porte. Cet homme avait un gilet de tricot violet, vieux, usé, taché, coupé, et faisant des bouches ouvertes à tous ses plis, un large pantalon de velours de coton, des chaussons à sabots aux pieds, pas de chemise, le cou nu, les bras nus et tatoués, et le visage barbouillé de noir. Il s'était assis en silence et les bras croisés sur le lit le plus voisin. Et comme il se tenait derrière la Jondrette, on ne le distinguait que confusément. Cette espèce d'instinct magnétique qui avertit le regard fit que M. Leblanc se tourna presque en même temps que Marius. Il ne put se défendre d'un mouvement de surprise qui n'échappa point à Jondrette. « Ah, je vois !» s'écria Jondrette en se boutonnant d'un air de complaisance. « Vous regardez votre redingote ? Elle me va, ma foi, elle me va !»« Qu'est-ce que c'est que cet homme ?» dit M. Leblanc. « Ça ? » fit Jondrette. « C'est un voisin, ne faites pas attention. » Le voisin était d'un aspect singulier. Cependant, les fabriques de produits chimiques abondent dans le faubourg Saint-Marceau. Beaucoup d'ouvriers d'usine peuvent avoir le visage noirci. Toute la personne de M. Leblanc respirait, d'ailleurs, une confiance candide et intrépide. Il reprit. « Pardon, que me disiez-vous donc, monsieur Fabantou ?» « Je vous disais, monsieur et cher protecteur, » repartit Jondrette, en s'accoudant sur la table et en contemplant monsieur Leblanc, avec des yeux fixes et tendres, assez semblables aux yeux d'un serpent boa. « Je vous disais que j'avais un tableau à vendre. » Un léger bruit se fit à la porte. Un second homme venait d'entrer et de s'asseoir sur le lit derrière la Jondrette. Il avait, comme le premier, les bras nus et un masque d'encre ou de suie. Quoique cet homme se fût, à la lettre, glissé dans la chambre, il ne put faire que M. Leblanc ne l'aperçût. « Ne prenez pas garde, » dit Jondrette, « ce sont des gens de la maison. » Je disais donc qu'il me restait un tableau précieux. « Tenez, monsieur, voyez. » Il se leva, alla à la muraille au bas de laquelle était posé le panneau dont nous avons parlé, et le retourna, tout en le laissant appuyé au mur. C'était quelque chose, en effet, qui ressemblait à un tableau et que la chandelle éclairait à peu près. Marius n'en pouvait rien distinguer. Jondrette étant placé entre le tableau et lui. Seulement, il entrevoyait un barbouillage grossier et une espèce de personnage principal enluminé avec la crudité criarde des toiles foraines et des peintures de paravent. Qu'est-ce que c'est que cela ? Demanda M. Leblanc. Jondrette s'exclama. Une peinture de maître ? Un tableau d'un grand prix, mon bienfaiteur. J'y tiens comme je tiens à mes deux filles. Il me rappelle des souvenirs. Mais je vous l'ai dit et je ne m'en dédis pas. Je suis si malheureux que je m'en déferai. Soit hasard, soit qu'il eut quelque commencement d'inquiétude, tout en examinant le tableau, le regard de M. Leblanc revint vers le fond de la chambre. Il y avait maintenant quatre hommes. Trois assis sur le lit, un debout près du chambranle de la porte. Tous quatre, bras nus, immobiles, le visage barbouillé de noir. Un des trois qui était sur le lit s'appuyait au mur, les yeux fermés, et l'on eût dit qu'il dormait. Celui-là était vieux. Ses cheveux blancs sur son visage noir étaient horribles. Les deux autres semblaient jeunes. L'un était barbu, l'autre chevelu. Aucun n'avait de souliers. Ceux qui n'avaient pas de chaussons étaient pieds nus. Jondrette remarqua que l'œil de M. Leblanc s'attachait à ces hommes. « C'est des amis, sa voisine, » dit-il. « C'est barbouillé parce que ça travaille dans le charbon. Ce sont des fumistes. Ne vous en occupez pas, mon bienfaiteur, mais achetez-moi mon tableau. Ayez pitié de ma misère. Je ne vous le vendrai pas cher. Combien l'estimez-vous ?»« Mais, » dit M. Leblanc en regardant Jondrette entre les deux yeux, et comme un homme qui se met sur ses gardes. « C'est quelque enseigne de cabaret. Cela vaut bien 3 francs. » Jondrette répondit avec douceur. « Avez-vous votre portefeuille, là ? Je me contenterai de 1000 écus. » M. Leblanc se leva debout, s'adossa à la muraille et promena rapidement son regard dans la chambre. Il avait Jondrette à sa gauche, du côté de la fenêtre, et la Jondrette et les 4 hommes à sa droite, du côté de la porte. Les 4 hommes ne bougeaient pas et n'avaient pas même l'air de le voir. Jondrette s'était remise à parler d'un accent plaintif, avec la prunelle si vague et l'intonation si lamentable que M. Leblanc pouvait croire que c'était tout simplement un homme devenu fou de misère qu'il avait devant les yeux. « Si vous ne m'achetez pas mon tableau, cher bienfaiteur, » disait Jondrette, « je suis sans ressources, je n'ai plus qu'à me jeter à même la rivière. » Quand je pense que j'ai voulu faire apprendre à mes 2 filles le cartonnage demi-fin, le cartonnage des boîtes d'étrennes. Eh bien, il faut une table avec une planche au fond pour que les verres ne tombent pas par terre. Il faut un fourneau fait exprès, un pot à 3 compartiments pour les différents degrés de force que doit avoir la colle selon qu'on l'emploie pour le bois, le papier ou les étoffes, un tranché pour couper le carton, un moule pour l'ajuster, un marteau pour clouer les aciers, des pinceaux, le diable, est-ce que je sais, moi. Et tout cela pour gagner 4 sous par jour. Et on travaille 14 heures. Et chaque boîte passe 13 fois dans les mains de l'ouvrière. Et mouiller le papier, et ne rien tâcher, et tenir la colle chaude. Le diable, je vous dis, 4 sous par jour. Comment voulez-vous qu'on vive ? Tout en parlant, Jondrette ne regardait pas M. Leblanc qui l'observait. L'œil de M. Leblanc était fixé sur Jondrette et l'œil de Jondrette sur la porte. L'attention haletante de Marius allait de l'un à l'autre. M. Leblanc paraissait se demander « Est-ce un idiot ?» Jondrette répéta 2 ou 3 fois avec toutes sortes d'inflexions variées dans le genre traînant et suppliant. « Je n'ai plus qu'à me jeter à la rivière. J'ai descendu l'autre jour 3 marches pour cela du côté du pont d'Austerlitz. » Tout à coup, sa prunelle éteinte s'illumina d'un flamboiement hideux. Ce petit homme se dressa et devint effrayant. Il fit un pas vers M. Leblanc et lui cria d'une voix tonnante. « Il ne s'agit pas de tout cela. Me reconnaissez-vous ?